pour être libre de la réincarnation. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Pour qu'une personne n'ait plus à se réincarner, il faut qu'elle développe suffisamment de puissance, de volonté et d'identité pour ne plus qu'elle puisse se faire imposer par une volonté extérieure à la sienne, entité ou son propre esprit, de revenir s'incarner dans la matière. Ultimement, la volonté de l'individu, égo, doit être aussi forte que celle de l'esprit pour que les deux s'unifient et qu'il y ait seulement une volonté. Plus l'humain développe de la volonté et plus l'intègre l'esprit. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de celle de l'individu fusionné. Elle est le fruit de l'intégration de son énergie. Plus l'individu intègre l'énergie de l'esprit, et plus il doit être fort et solide pour la recevoir. Plus l'esprit descend avec force en l'individu, et plus l'ego doit être fort pour être capable de rester centré, car sinon il va être possédé par lui. Donc il doit générer une force aussi grande que celle venant de l'esprit pour le contenir. Si la personne n'est pas capable de générer une puissance énergétique suffisamment grande pour s'opposer à celle de l'esprit, elle n'est pas libre de lui et elle s'avère soumise à ce dernier. Elle ne peut pas alors interférer avec lui de manière à se libérer de l'ascendance qu'il a sur lui et de l'involution. Dans l'univers, ce sont les êtres qui ont les plus hauts taux vibratoires qui sont centriques et en position d'autorité, à la différence des autres pouvant être plus facilement influençables. La hauteur de leur taux vibratoire leur donne davantage accès à de l'énergie et du savoir. La soumission de l'ego à une autorité qui l'évalue comme étant plus grande que lui ne le rendra jamais libre et empêche le processus d'immortalisation de sa conscience. L'individu doit établir un rapport de force avec l'esprit pour acquérir son droit à l'immortalité. Il doit se sortir par lui-même du comportement évolutif consistant à se soumettre à l'esprit et aux croyances. Il doit se donner le droit de savoir et d'être libre. Pour comprendre l'esprit, il faut le devenir, soit de fusionner avec lui. Cela revient à l'adage qui dit que pour comprendre Dieu, il faut le devenir. Le plus grand rapport de force que l'individu aura à vivre dans son existence pour être libre, cela sera celui qu'il connaîtra avec son propre esprit en vue d'horizontaliser sa relation avec lui et ainsi s'unir à lui pour devenir un être intégral. Voilà ce qui complète la lecture du texte qui s'intitule « Pour être libre de la réincarnation ». Vous pouvez le trouver en bas de l'enregistrement présent en cliquant sur le lien qui figure donc en bas de cette vidéo. Merci beaucoup de votre écoute et au revoir.